Alexandre Dumas, quatrième partie, chapitre 8. Le locataire du rez-de-chaussée du numéro 111 ne fut pas médiocrement surpris de voir le lendemain matin un ours se promener dans ses plates-bandes. Il referma vivement la porte de son perron, qu'il avait ouverte à l'effet de se livrer au même exercice, et essaya de reconnaître à travers les carreaux par quelle voie ce nouvel amateur d'horticulture avait pénétré dans son jardin. Malheureusement, l'ouverture était cachée par un massif de lilas, de sorte que l'inspection, si prolongée qu'elle fût, n'amena aucun résultat satisfaisant. Alors, comme le locataire du rez-de-chaussée du numéro 111 avait le bonheur d'être abonné au Constitutionnel, il se rappela avoir lu quelques jours auparavant, sous la rubrique de Valenciennes, que cette ville avait été le théâtre d'un phénomène fort singulier. Une pluie de crapauds était tombée avec accompagnement de tonnerres et d'éclairs, et cela en telle quantité que les rues de la ville et les toits des maisons en avaient été couverts. Immédiatement après, le ciel, qui 2 heures auparavant était gris de cendres, était devenu bleu indigo. L'abonné du Constitutionnel leva les yeux en l'air, et voyant le ciel noir comme de l'encre et Tom dans son jardin, sans pouvoir se rendre compte de la manière dont il était entré, il commença à croire qu'un phénomène pareil à celui de Valenciennes était sur le point de se renouveler. Avec cette seule différence qu'au lieu de crapauds, il allait pleuvoir des ours. L'un n'était pas plus étonnant que l'autre. La grêle était plus grosse et plus dangereuse. Voilà tout. Préoccupé de cette idée, il se retourna vers son baromètre. L'aiguille indiquait pluie et tempête. En ce moment, le roulement de la foudre se fit entendre. La flamme bleuâtre d'un éclair pénétra dans l'appartement. L'abonné du Constitutionnel jugea qu'il n'y avait pas un instant à perdre, et pensant qu'il allait y avoir concurrence, il envoya chercher par son valet de chambre le commissaire de police, et par sa cuisinière un caporal et 9 hommes, afin de se mettre à tout événement sous la protection de l'autorité civile et sous la garde de la force militaire. Cependant, les passants qui avait vu sortir du numéro 111 la cuisinière et le valet de chambre effaré, s'étaient assemblés devant la grande porte et se livraient aux conjectures les plus incohérentes. Ils interrogèrent le portier, mais le portier, à son grand désappointement, n'en savait pas plus que les autres. Tout ce qu'il put dire, c'est que l'alerte, quelle qu'elle fût, venait du corps de logis situé entre cour et jardin. En ce moment, l'abonné du Constitutionnel parut à la porte du perron qui donnait sur la cour, pâle, tremblant, et appelant à son aide. Tom l'avait aperçu à travers les carreaux, et habitué à la société des hommes, il était arrivé entre-temps afin de faire connaissance avec lui. Mais l'abonné du Constitutionnel, se méprenant à ses intentions, avait vu une déclaration de guerre dans ce qui n'était qu'une démarche de politesse, et avait prudemment battu en retraite. Arrivé à la porte de la cour, il avait entendu craquer les carreaux de la porte du jardin. Alors la retraite s'était changée en véritable déroute, et le fuyard était apparu, comme nous l'avons dit, aux yeux des curieux et des badauds, donnant des signes visibles de la plus grande détresse, et appelant au secours de toutes les forces de ses poumons. Or, il arriva ce qui arrive en pareille circonstance, c'est qu'au lieu de répondre à l'appel qui lui était fait, la foule se dispersa. Seul un garde municipal qui se trouvait dans les rangs resta solide au poste, et s'avançant vers l'abonné du Constitutionnel, il porta la main à son shako et lui demanda en quoi il pouvait lui être agréable. Mais celui auquel il s'adressait n'avait plus ni voix ni parole. Il montra du doigt la porte qu'il venait d'ouvrir. et le perron qu'il avait descendu avec tant de précipitation. Le garde municipal comprit que le danger venait de là, tira bravement son briquet, monta le perron, franchit la porte et se trouva dans l'appartement. La première chose qu'il aperçut en entrant dans le salon fut la figure bonasse de Tom, qui, debout sur ses pieds de derrière, avait passé la tête et les pattes de devant à travers une vitre, et qui, appuyé sur la traverse de bois, regardait curieusement l'intérieur de l'appartement qui lui était inconnu. Le garde municipal s'arrêta court, ne sachant, tout brave qu'il était, s'il devait avancer ou reculer. Mais à peine Tom l'eut-il aperçu que, fixant sur lui des yeux hagards et souffrant bruyamment comme un buffle effrayé, il retira précipitamment sa tête du vasistas et se mit à fuir de toute la vitesse de ses quatre jambes vers le coin le plus reculé du jardin, en donnant des signes manifestes de terreur que lui inspirait l'uniforme municipal. Or, jusqu'à cette heure, nous avons présenté à nos lecteurs notre ami Tom comme un animal plein de raison et de sens. Il faut donc qu'il nous permette de nous interrompre un instant, malgré l'intérêt de la situation, pour leur raconter d'où lui venait cet effroi que l'on pourrait croire prématuré, puisqu'il n'avait encore été provoqué par aucune démonstration hostile, et qui, par conséquent, pourrait nuire à la réputation irréprochable qu'il a laissée après lui. C'était un soir de carnaval, de l'an de grâce 1830. Tom habitait Paris depuis 6 mois à peine, et déjà cependant la société artistique au milieu de laquelle il vivait l'avait civilisé, au point que c'était un des ours les plus aimables que l'on pût voir. Il allait ouvrir la porte quand on sonnait, monter la garde des heures entières debout sur ses pieds de derrière, une hallebarde à la main, et dansait le menuet d'exodé, en tenant, avec une grâce infinie, un manche à balai derrière sa tête. Il avait passé la journée à se livrer à ses exercices innocents, à la grande satisfaction de l'atelier, et venait de s'endormir du sommeil du juste dans l'armoire qu'on lui servait de niche. Lorsque l'on frappa à la porte de la rue, au même instant, Jacques donna des signes de joie, si manifestes que Descamps devina que c'était son instituteur bien-aimé, qui lui venait faire visite. En effet, la porte s'ouvrit. Faux parut, habillé en paillasse, et Jacques, selon son habitude, s'élança dans ses bras. « c'est bien, dit Faux, en posant Jacques sur la table et en lui mettant sa canne entre les mains. « Vous êtes une charmante bête. Portez armes, présentez armes, en joue feu. À merveille, je vous ferai un uniforme complet de grenadier, et vous monterez la garde à ma place. Mais ce n'est pas à vous que j'ai affaire dans ce moment-ci, c'est à votre ami Tom. Où est l'animal demandé ?»« Mais dans sa niche, je crois, répondit Descamps. Tom, ici, Tom, cria Faux. Tom fit entendre un grognement sourd qui indiquait qu'il avait parfaitement compris que c'était de lui qu'il s'agissait, mais qu'il n'était nullement pressé de se rendre à l'invitation. Eh bien, dit Faux, est-ce comme cela que l'on obéit quand je parle ? Tom, mon ami, ne me forcez pas d'employer des moyens violents. Tom allongea une patte qui sortit de son armoire sans qu'on aperçût aucune partie de sa personne, et se mit à bâiller d'une manière plaintive et prolongée, comme un enfant qu'on réveille, et qui n'ose pas protester autrement contre la tyrannie de son professeur. « Où est le manche à balai ?» dit Faux, en donnant à sa voix l'accent de la menace, et en remuant avec fracas les arcs sauvages, les sarbacanes et les lignes à pêcher entassées derrière la porte. « Présent ! » cria Alexandre, en montrant Tom qui, à ce bruit bien connu, s'était vivement levé et s'approchait de Faux en se dandinant d'un air innocent et paterne. « À la bonne heure, dit Faux. Soyez donc aimable quand on vient exprès pour vous du café Procope au faubourg Saint-Denis. » Tom secoua la tête de haut en bas et de bas en haut. « C'est cela. Maintenant, donnez une poignée de main à vos amis. À merveille. Est-ce que tu l'emmènes? Dit Descamps. Un peu, répondit Faux. Et que nous allons lui procurer de l'agrément encore. Et où allez-vous ensemble? Au bal masqué, rien que cela. Allons, allons, Tom. En route, mon ami, nous avons un fiacre à l'heure. Et comme si Tom eût compris la valeur de ce dernier argument, il descendit les escaliers quatre à quatre, suivi de son introducteur. Arrivé au fiacre, le cocher ouvrit la portière, abaissa le marchepied et Tom, guidé par Faux, monta dans l'équipage comme s'il n'avait pas fait autre chose toute sa vie. « Ah ben, en v'lin un drôle de déguisement, » dit le cocher. « C'est qu'on dirait un ours, tout de même. Où faut-il vous conduire, mes bourgeois ?»« À l'Odéon, » répondit Faux. « Groune, » dit Tom. « Allons, allons, ne nous fâchons pas, » dit le cocher. « Quoi qu'il y ait une trotte, on y arrivera, c'est bon. » En effet, une demi-heure après, le fiacre s'arrêtait à la porte du théâtre. Fao descendit le premier et paya le cocher, puis il donna la main à Tom, prit deux billets au bureau et entra dans la salle sans que le contrôleur fît la moindre observation. Au deuxième tour de foyer, on commença à suivre Tom. La vérité avec laquelle le nouveau venu imitait l'allure de l'animal dont il portait la peau avait frappé quelques amateurs d'histoire naturelle. Les curieux s'approchèrent donc de plus en plus, en voulant s'assurer que son talent d'observation s'étendait jusqu'à la voix. Ils lui tirèrent les poils de la queue ou lui pincèrent la peau de l'oreille. « Groin !» dit Tom. Un cri d'admiration se leva dans la société. C'était à s'y méprendre. Faux conduisit Tom au buffet, lui offrit quelques petits gâteaux dont il était très friand, et qu'il observa avec une voracité si bien imitée que la galerie en pouffa de rire. Puis il lui versa un verre d'eau que Tom prit avec délicatesse entre ses pattes, ainsi qu'il avait l'habitude de le faire, quand Descamps lui accordait par hasard l'honneur de l'admettre à sa table et l'avala d'un trait. Alors l'enthousiasme fut à son comble. C'est au point que lorsque Faux voulut quitter le buffet, il se trouva enfermé dans un cercle si serré qu'il commença à craindre qu'il ne prît envie à Tom pour en sortir d'appeler à son secours ses dents ou ses griffes, ce qui aurait compliqué la chose. Il le conduisit en conséquence dans un coin, lui appuya le dos dans l'angle et lui ordonna de se tenir tranquille jusqu'à nouvel ordre. C'était, comme nous l'avons dit, un genre d'exercice très familier à Tom que celui de monter sa garde, en ce qu'il était parfaitement approprié à l'indolence de son caractère. Aussi plus fidèle observateur de sa consigne que beaucoup, de gardes nationaux, de ma connaissance, faisait-il en ce cas patiemment sa faction jusqu'à ce qu'on vînt le relever. Un arlequin offrit alors sa batte pour compléter la parodie, et Tom posa gravement sa lourde patte sur son fusil de bois. « Savez-vous, dit Faux, à l'obligeant enfant de Bergame, à qui vous venez de prêter votre batte ?»« Non, répondit l'arlequin. Vous ne devinez pas, pas le moins du monde. Voyons, regardez bien. À la grâce de ses mouvements, à son cou systématiquement penché sur l'épaule gauche, comme celui d'Alexandre le Grand, à l'imitation parfaite de l'organe, comment vous ne reconnaissez pas ? Parole d'honneur, non ? Audry, dit mystérieusement Faux, Audry, avec son costume de l'ours et le pacha. Mais non, il joue l'ours blanche. Justement, il a pris la peau de Vernet pour se déguiser. Ô farceur, dit l'arlequin. Groin, fit Tom. Maintenant je reconnais sa voix, dit l'interlocuteur de Faux. Oh, c'est étonnant que je n'aie pas deviné plus tôt. Dites-lui de la déguiser davantage. « Oui, oui, » répondit Faux en se dirigeant vers la salle. « Mais il ne faudrait pas trop l'ennuyer pour qu'il fût drôle. Je tâcherai qu'il danse le menuet. »« Oh, vraiment ? Il me l'a promis. Dites cela à vos amis, afin qu'on ne lui fasse pas de mauvaises farces. »« Soyez tranquille. » Faux traversa le cercle, et l'arlequin enchanté alla de masque en masque annoncer la nouvelle et répéter les recommandations. Alors chacun s'éloigna discrètement. En ce moment, le signal du galop se fit entendre, et le foyer tout entier se précipita dans la salle. Mais avant de suivre ses compagnons, le facétieux Arlequin s'avança vers Tom sur la pointe du pied, et se penchant à son oreille, « Je te connais, beau masque, » lui dit-il. « Groin !» fit Tom. « Oh, tu as beau faire groin, groin, tu danseras le menuet. N'est-ce pas que tu danseras le menuet, maréco de mon cœur ?» Tom fit aller sa tête de haut en bas et de bas en haut, selon son habitude lorsqu'on l'interrogeait. Et l'Arlequin, satisfait de cette réponse affirmative, se mit en quête d'une colombine pour danser lui-même le galop. Pendant ce temps, Tom était resté en tête à tête avec la limonadière, immobile à son poste, mais les yeux invariablement fixés sur le comptoir, où s'élevaient en pyramide des piles de gâteaux. La limonadière remarqua cette attention continue, et voyant un moyen de placer sa marchandise, elle prit une assiette et avança la main. Tom étendit la patte, prit délicatement un gâteau, puis un second, puis un troisième. La limonadière ne se lassait pas d'offrir. Tom ne se lassait pas d'accepter. Et le résultat de cet échange de procédés qu'il entamait sa seconde douzaine lorsque le galop finit et que les danseurs rentrèrent dans le foyer. Arlequin avait recruté une bergère et une pierrette, et il amenait ses dames pour danser le menuet. Alors, en sa qualité de vieille connaissance, il s'approcha de Tom, lui dit quelques mots à l'oreille. Tom, que les gâteaux avaient mis d'une humeur charmante, répondit par un de ses plus aimables grognements. L'Arlequin se retourna vers la galerie et annonça que le seigneur Maréco se rendait avec le plus grand plaisir à la demande de la société. À ces mots, les applaudissements éclatèrent, les cris « dans la salle » se firent entendre. La pierrette et la bergère prirent Tom chacune par une patte. Tom, de son côté, en cavalier galant, se laissa conduire, regardant tour à tour et d'un air étonné ces deux danseuses, avec lesquelles il se trouva bientôt au milieu du parterre. Chacun prit place, les uns dans les loges, les autres aux galeries, la plus grande partie faisant cercle. L'orchestre commença. Le menuet était le triomphe de Tom et le chef-d'œuvre chorégraphique de Faux. Aussi le succès se déclara-t-il dès les premières passes, et alla-t-il croissant. Aux dernières figures, c'était du délire. Tom fut emporté en triomphe dans une avant-scène, puis la bergère détacha sa couronne de roses et la lui posa sur la tête. Toute la salle battit des mains, et une voix alla jusqu'à crier dans son enthousiasme « Vive Maréco Ier !» Tom s'appuya sur la balustrade de sa loge avec une grâce toute particulière. Au même instant, les premières mesures de la contredanse se firent entendre. Chacun se précipita vers le parterre, à l'exception de quelques courtisans du nouveau roi, qui restèrent près de lui, dans l'espérance de lui accrocher un billet de spectacle. Mais à toutes leurs demandes, Tom ne répondit pas autre chose que son éternel « Groin !» Comme la plaisanterie commençait à devenir monotone, on s'éloigna peu à peu de l'obstiné ministre du grand Shahabaham en reconnaissant ses talents pour la danse de cordes, mais en le déclarant fort insipide sur la conversation. Bientôt trois ou quatre personnes à peine s'occupèrent de lui. Une heure après, il était complètement oublié. Ainsi passe la gloire du monde. Cependant, l'heure de se retirer était venue. Le parterre s'éclaircissait, les loges étaient vides. Quelques rayons blafards de jour se glissaient dans la salle à travers les fenêtres du foyer, lorsque l'ouvreuse, en faisant sa tournée, entendit sortir de l'avant-scène des premières un ronflement qui dénonçait la présence de quelques masques attardés. Elle ouvrit la porte et trouva Tom, qui, fatigué de la nuit orageuse qu'il avait passée, s'était retiré dans le fond de sa loge et se livrait aux douceurs du sommeil. La consigne sur ce point est sévère, et l'ouvreuse est esclave de la consigne. Elle entra donc, et avec la politesse qui caractérise cette classe estimable de la société à laquelle elle avait l'honneur d'appartenir, elle fit observer à Tom qu'il était près de 6 heures du matin, heure raisonnable pour rentrer chez soi. « Groin !» fit Tom. « J'entends bien, » répondit l'ouvreuse. « Vous dormez, mon brave homme, mais vous serez encore mieux dans votre lit. Allez, allez, votre femme doit être inquiète. » « Il n'entend pas. Ma parole d'honneur, a-t-il le sommeil dur ?» Elle lui frappa sur l'épaule. « Groin ! C'est bon, c'est bon, c'est plus le moment d'intriguer. D'ailleurs, on vous connaît, beau masque. Tenez, voilà qu'on baisse la rampe et qu'on éteint le luth. Voulez-vous qu'on aille vous chercher un fiacre ?»« Groin ! Allons, allons, allons. La salle de l'Odéon n'est pas une auberge. En route !» « C'est comme cela que vous le prenez. »« Oh, monsieur Audry, fis donc. »« Une ancienne artiste. »« Eh bien, monsieur Audry, je vais appeler la garde. »« Le commissaire de police n'est pas couché encore. »« Ah, vous ne voulez pas vous conformer au règlement. »« Vous me donnez des coups de poing. »« Vous battez une femme. »« Ah, nous allons voir. »« Monsieur le commissaire, monsieur le commissaire. »« Qu'est-ce qu'il y a ?» répondit le pompier de garde. « À moi, monsieur le pompier, à moi !» cria l'ouvreuse. « Oui, les municipaux !»« Qu'est-ce ? » dit la voix du sergent qui commandait la patrouille. « C'est la mère chose qui appelle au secours à l'avant-scène des premières. On y va !»« Par ici, monsieur le sergent, par ici !» cria l'ouvreuse. « Voilà, voilà, voilà, où êtes-vous, l'amour ?»« N'ayez pas peur, il n'y a pas de marche. Par ici, là, par ici. »« Il est dans le coin, contre la porte de communication du théâtre. »« Oh, le bandit ! C'est qu'il est fort comme un turc !»« Groin !» fit Tom. « Tenez, l'entendez-vous ? Je vous demande un peu si c'est une langue de chrétien. »« Allons, mon ami, » dit le sergent, dont les yeux habitués à l'ombre commençaient à distinguer Tom dans l'obscurité. « Nous savons tous ce que c'est d'être jeune. Et tenez-moi comme un autre, j'aime à rire, n'est-ce pas, la petite mère ? Mais je suis esclave des règlements. L'heure de rentrer au corps de garde paternel ou conjugal est arrivée. Pas accéléré. En avant, marche, et vivement du pied. » Gauche. Groin ! C'est très joli, et nous imitons à merveille le cri des animaux. Mais passons à un autre genre d'exercice. Allons, allons, camarades, sortons de bonne volonté. Ah, nous ne voulons pas, nous faisons le méchant. Bon, bon, bon, nous allons rire. Empoignez-moi ce gaillard-là, et à la porte. Il ne veut pas marcher, sergent. Eh bien, mais pourquoi avons-nous des crosses et à nos fusils ? Allons, allons, dans les reins et dans les gras des jambes. Groin, groin, groin! Tapez dessus, tapez dessus! Dites donc, sergent, dit un des municipaux, m'est avis que c'est un ours véritable. Je viens de l'empoigner au collet et la peau tient la chair. Alors si c'est un ours, les plus grands emménagements pour l'animal, son propriétaire nous le ferait payer. Allez, cherchez la lanterne du pompier. Groin! « C'est égal, ours ou non, » dit un des soldats, « il a reçu une bonne volée. Et s'il a de la mémoire, il se souviendra de la garde municipale. »« Voilà l'objet demandé, » dit un membre de la patrouille en apportant la lanterne. « Approchez à lumière du visage du prévenu. » Le soldat obéit. « C'est un museau, » dit le sergent. « Jésus mon Dieu, » dit l'ouvreuse en se sauvant, « un vrai ours !»« Eh bien oui, un vrai ours !» Faut voir s'il a des papiers, et le reconduire à son domicile. Il y aura probablement récompense. Cet animal se sera égaré, et comme il aime la société, il sera entré au bal de l'Odéon. Groin ! Voyez-vous, il répond à la chose. Tiens, tiens, tiens, fit un des soldats. Qu'y a-t-il ? Il a un petit sac pendu au cou. Ouvrez le sac. Une carte. Lisez la carte. Le soldat prit et lut. « Je m'appelle Tom. Je demeure rue du Faubourg Saint-Denis, numéro 109. J'ai 100 sous dans ma bourse. 40 sous pour le fiacre, 3 francs pour ceux qui me reconduiront. »« En vérité, Dieu, voilà les 100 sous !» s'écria le municipal. « Ce citoyen est parfaitement en règle, » dit le sergent. « 2 hommes de bonne volonté pour le reconduire à son domicile politique. »« Voilà, » dirent en chœur les municipaux. « Pas de passe-droit. » Tout à l'ancienneté. Que les deux plus chevronnés jouissent du bénéfice de la chose. Allez, mes enfants. » Deux gardes municipaux s'avancèrent vers Tom, lui passèrent au cou une corde, à laquelle ils firent faire, pour plus grande précaution, trois tours autour du museau. Tom ne fit aucune résistance. Les coups de crosse l'avaient rendu souple comme un gant. Arrivé à 40 pas de l'Odéon, « Bah, dit un des gardes, le temps est beau. Si nous ne prenions pas le fiacre, ça promènerait le bourgeois. Et puis nous aurions chacun 40 sous au lieu de 30. » Adopté à l'unanimité. Une demi-heure après, ils étaient à la porte de numéro 109. Au troisième coup, la portière vint ouvrir elle-même, à moitié endormie. « Tenez, la mère l'éveillée, dit un des gardes municipaux, voilà un de vos locataires. Reconnaissez-vous le particulier comme faisant partie de votre ménagerie ?»« Tiens, je crois bien, dit la portière, c'est l'ours de Monsieur Descamps. » Le même jour, on porta au domicile d'Audry une note de petit gâteau, se montant à 7 francs 50 centimes. Mais le ministre de Shahbaham Ier prouva facilement son alibi. Il était de garde aux Tuileries. Quant à Tom, il avait gardé à compter de ce jour une grande frayeur de ce corps respectable qui lui avait donné des coups de crosse dans les reins et qui l'avait fait marcher à pied, quoiqu'il eût payé son fiacre. On ne s'étonnera donc pas qu'en voyant apparaître à la porte d'entrée du salon la figure du municipal, il ait à l'instant battu en retraite jusqu'au plus profond du jardin. Rien ne donne du cœur à un homme comme de voir reculer son ennemi. D'ailleurs, ainsi que nous l'avons dit, le garde municipal ne manquait pas de courage. Il se mit donc à la poursuite de Tom, qui, acculé dans un coin, essaya d'abord de grimper contre le mur, et, voyant après 2 ou 3 essais que la tentative était illusoire, il se dressa sur ses pattes de derrière et se prépara à faire bonne défense, utilisant en cette circonstance les leçons de boxing que lui avait données son ami Faux. Le municipal, de son côté, se mit en garde et attaqua son adversaire dans toutes les règles de l'art. À la troisième passe, il fit feinte du coup de tête et porta le coup de cuisse. Tom arriva à la parade de seconde. Le municipal menaça Tom d'un coup droit. Tom revint en garde, fit un coupé sur les armes, et attrapant de toute la force de son poing la garde du sabre de son ennemi, il lui renversa si violemment la main qu'il lui luxa le poignet. Le municipal laissa tomber son sabre et se trouva à la merci de son adversaire. Heureusement pour lui et malheureusement pour Tom, le commissaire arrivait en ce moment. Il vit l'acte de rébellion qui venait d'avoir lieu contre la force armée, tira de sa poche son écharpe, la roula 3 fois autour de son ventre, et se sentant soutenu par la garde, fit descendre le caporal et les 9 hommes dans le jardin, leur ordonna de se ranger en bataille, et demeura sur le perron pour commander le feu. Tom, préoccupé de ses dispositions, laissa le municipal battre en retraite, portant sa main droite dans sa main gauche, et resta debout et immobile, contre le mur. Alors l'interrogatoire commença. Tom, accusé de s'être introduit nuitamment avec effraction dans une maison habitée, et d'avoir commis sur la personne d'un agent public une tentative de meurtre, qui n'avait échoué que par des circonstances indépendantes de sa volonté, n'ayant pu produire de témoin des charges, fut condamné à la peine de mort. En conséquence, le caporal fut invité à procéder à l'exécution et donna l'ordre aux soldats de préparer leurs armes. Alors il se répandit dans la foule accourue à la suite de la patrouille un grand silence, et la voix seule du caporal se fit entendre. Il commanda les unes après les autres toutes les évolutions de la charge en 12 temps. Cependant, après le mot « en joue », il crut devoir se retourner une dernière fois vers le commissaire. Alors un murmure de compassion circula parmi les assistants, mais le commissaire de police, qu'on avait dérangé au milieu de son déjeuner, fut inexorable. Il étendit la main en signe de commandement. « Feu !» dit le caporal. Les soldats obéirent, et le malheureux Tom tomba, percé de 8 balles. En ce moment, Alexandre Descamps rentrait avec une lettre de Monsieur Cuvier, qui ouvrait à Tom les portes du jardin des plantes et qui lui assurait la survivance de Martin. Chapitre 9. Tom était originaire du Canada. Il appartenait à cette race herbivore, habituellement circonscrite dans les montagnes situées entre New York et le lac Ontario, et qui l'hiver, lorsque la neige, la chasse de ses pics glacés, se hasarde à descendre parfois en bande affamée jusque dans les faubourgs de Portland et de Boston. Maintenant, si nos lecteurs tiennent à savoir comment, des fonds du fleuve Saint-Laurent, Tom était passé sur les rives de la Seine, qu'ils aient la bonté de se reporter à la fin de l'année 1828 et de nous suivre jusqu'à l'extrémité de l'océan Atlantique entre l'Islande et la pointe du cap Farewell. Là, nous leur montrerons, marchant avec cette allure honnête qu'ils lui connaissent, le brick de notre ancien ami, le capitaine Pamphile, qui, dérangeant cette fois à son goût pour l'Orient, à remonter vers le pôle, non pas afin d'y chercher comme Ross ou Perry un passage entre l'île Melville et la terre de Banks, mais dans un but plus utile et surtout plus lucratif, le capitaine Pamphile, ayant 2 années d'attente encore pour que son ivoire fût prêt, en avait profité pour essayer de naturaliser dans les mers du Nord le système d'échange que nous lui avons vu pratiquer avec tant de succès vers l'archipel indien. Ce théâtre de ses anciens exploits devenait plus stérile, attendu ses fréquents colloques avec les navires en croisière sous cette latitude, et d'ailleurs il avait besoin de changer d'air. Seulement, cette fois, au lieu de chercher des épiceries ou du thé, c'était à l'huile de baleine que le capitaine Pamphile avait particulièrement à faire. Avec le caractère donné de notre brave flibustier, on comprend qu'il ne s'était pas amusé à recruter son équipage de matelots baleiniers, ni à surcharger de son bâtiment de chaloupes, de cordages et de harpons. Il s'était contenté de visiter, au moment de se mettre en mer, les pierriers, les caronades et la pièce de 8, qui, comme nous l'avons dit, lui servait de lest. Il avait passé l'inspection des fusils et fait donner le fil au sabre d'abordage. S'était muni de vivres pour 6 semaines, avait franchi le détroit de Gibraltar et vers le mois de septembre, c'est-à-dire au moment où la pêche est en pleine activité, il était arrivé vers le 60e degré de latitude et avait incontinent commencé à exercer son industrie. Comme nous l'avons vu, le capitaine Pamphile aimait fort la besogne faite. Aussi, c'était particulièrement aux bâtiments qu'il reconnaissait à leur marche, pour être convenablement chargés, qu'il s'adressait de préférence. Nous savons quelle était sa manière de traiter dans ces circonstances délicates. Il n'y avait apporté aucun changement, malgré la différence des localités. Il est donc inutile de la rappeler à nos lecteurs. Nous nous contenterons, en conséquence, de leur faire part de sa parfaite réussite. Aussi revenait-il avec une 50aine, tout au plus, de tonneaux vides, lorsqu'en passant à la hauteur du banc de Terre-Neuve, le hasard fit qu'il rencontra un navire qui revenait de la pêche de la morue. Le capitaine Pamphile, tout en se livrant aux grandes spéculations, ne méprisait pas, comme nous l'avons vu, les petites. Il ne négligea donc point cette occasion de compléter son chargement. Les 50 tonneaux vides passèrent à bord du bâtiment pêcheur, qui, en échange, se fit un plaisir d'envoyer au capitaine Pamphile 50 tonneaux pleins. Policar fit observer que les tonneaux pleins portaient 3 pouces de hauteur de moins que les tonneaux vides. Mais le capitaine Pamphile voulut bien passer sur cette irrégularité, en faveur de ce que la morue venait d'être salée la veille même. Seulement, il examina les tonneaux les uns après les autres pour s'assurer que le poisson était de bonne qualité. Puis, les faisant clouer à mesure, il ordonna qu'on les transportât à fond de cale, à l'exception d'un seul, qu'il garda pour son usage particulier. Le soir, le docteur descendit près de lui, au moment où il allait se mettre à table. Il venait, au nom de l'équipage, demander l'abandon de 3 ou 4 tonneaux de morue fraîche. Depuis près d'un mois, les vivres étaient épuisés, et les matelots ne mangeaient que des tranches de baleine et des côtelettes de phoque. Le capitaine Pamphile demanda au docteur si les provisions manquaient. Le docteur répondit qu'il y en avait encore une certaine quantité de celles que nous venons de dire, mais que cette sorte de nourriture, déjà exécrable étant fraîche, ne se bonifiait aucunement par la salaison. Le capitaine Pamphile répondit qu'il était bien désolé, mais qu'il avait justement de la maison Béda et compagnie de Marseille une commande de 49 tonneaux de morue salée, et qu'il ne pouvait manquer à une si bonne pratique. D'ailleurs, si son équipage voulait de la morue fraîche, il n'avait qu'à empêcher, ce dont il était parfaitement libre, lui, capitaine Pamphile, de s'y opposer aucunement. Le docteur sortit. Au bout de 10 minutes, le capitaine Pamphile entendit un grand bruit sur la Roxelane. Plusieurs voix disaient « Au pic ! Au pic !» Et un matelot cria « Vive Policar ! À bas le capitaine Pamphile !» Le capitaine Pamphile pensa qu'il était temps de se montrer. Il se leva de table, passa une paire de pistolets à sa ceinture, alluma son brûle-gueule, ce qu'il ne faisait que dans les grandes tempêtes, prit une espèce de martinet d'honneur, confectionné avec un soin tout particulier, et duquel il ne se servait que dans les circonstances mémorables, et monta sur le pont. Il y avait émeute. Le capitaine Pamphile s'avança au milieu de l'équipage, divisé par groupes, regardant à droite et à gauche, pour voir s'il y aurait parmi tous ces hommes un insolent qui osa lui adresser la parole. Pour un étranger, le capitaine Pamphile aurait paru faire une ronde ordinaire. Mais pour l'équipage de la Roxelane, qui le connaissait de longue main, c'était tout autre chose. On savait que le capitaine Pamphile n'était jamais si près d'éclater que lorsqu'il ne disait pas une parole. Et pour le moment, il avait adopté un silence effrayant. Enfin, après avoir fait 2 ou 3 tours, il s'arrêta devant son lieutenant qui paraissait, comme les autres, n'être pas étranger à la révolte. « Policar, mon brave, demanda-t-il, pouvez-vous me dire à quoi est le vent ?»« Mais, capitaine, dit Policar, le vent est à... Vous dites le vent ?»« Oui, le vent, à quoi est-il ?»« Ma foi, je ne sais pas, dit Policar. »« Eh bien, je vais vous le dire, moi. » Et le capitaine Pamphile examina avec un sérieux imperturbable le ciel, qui était sombre. Puis, étendant la main dans la direction de la brise, il siffla, selon l'habitude des matelots. Enfin, se retournant vers son lieutenant, « Eh bien, Policar, mon brave, je vais vous le dire, moi, quoi est le vent ? Il est à la Schlague. » « Je m'en doutais, dit Policar. « Et maintenant, Policar, mon brave, voulez-vous me faire l'amitié de me dire ce qui va tomber ?»« Ce qui va tomber ? Oui, comme une grêle. » « Ma foi, je ne sais pas, dit Policar. Eh bien, des coups de garcette, mon brave, des coups de garcette. Ainsi donc, Policar, mon camarade, si tu as peur de la pluie, rentre vivement dans la cabine, et n'en sors pas, que je ne te le dise. Entends-tu, Policar ?»« J'entends, capitaine, dit Policar, descendant l'escalier. Ce garçon est plein d'intelligence, continua le capitaine Pamphile. Puis il fit de nouveau 3 tours sur le pont et s'arrêta devant le maître charpentier qui tenait une pique. « Bonjour, Georges, lui dit le capitaine. Qu'est-ce que ce joujou, mon ami ?»« Mais, capitaine, balbutia le charpentier, Dieu me pardonne, c'est mon jonc à épousseter. » Le charpentier laissa tomber la pique. Le capitaine la ramassa et la cassa en deux, comme il eût fait d'une baguette de saule. « Je vois ce que c'est, continua le capitaine Pamphile. Tu voulais battre tes habits. »« Bien, mon ami, bien, la propreté est une demi-vertu, comme disent les Italiens. » Il fit signe à 2 aides de s'approcher. « Venez ici, vous autres. Prenez chacun cette badine et tapez ferme sur la veste de ce pauvre Georges. Et toi, Georges, mon enfant, laisse le corps dessous. Je t'en prie. »« Combien de coups, capitaine ?» dirent les aides. « Mais 25 chacun. » L'exécution commença, les 2 aides opérant chacun à leur tour avec la régularité des bergers de Virgile. Le capitaine comptait les coups. Au 13e, Georges s'évanouit. C'est bien, dit le capitaine, emportez-le dans son hamac. On lui donnera le reste demain, à chacun son dû. On obéit au capitaine. Il se remit à faire trois autres tours, puis il s'arrêta une dernière fois, près du matelot qui avait crié « Vif Policard, à bas le capitaine Pamphile !»« Eh bien, lui dit-il, comment va cette jolie voix, Gaetano, mon enfant ?» Gaetano voulut répondre, mais quelque effort qu'il fit, il ne sortit de son gosier que des sons indistincts et inarticulés. « Bagasse, dit le capitaine, nous avons une extinction, Gaetano, mon enfant, ceci est dangereux, si l'on n'y porte pas remède. Docteur, envoyez-moi quatre carabins. » Le docteur désigna quatre hommes qui s'approchèrent de Gaetano. « Venez ici, mes amours, dit le capitaine, et suivez bien mon ordonnance. Vous allez prendre une corde, vous l'assujettirez à une poulie, vous en passerez un bout, en guise de cravate, autour du cou de cet honnête garçon. Vous tirerez l'autre jusqu'à ce que vous ayez élevé notre homme à une hauteur de 30 pieds. Vous l'y laisserez 10 minutes, et quand vous le descendrez, il parlera comme un merle et sifflera comme un sansonnet. Faites vite, mes amours. » L'exécution commença en silence et s'accomplit de point en point, sans qu'un seul murmure se fît entendre. Le capitaine Pamphile y donna une si grande attention qu'il laissa éteindre son brûle-gueule. 10 minutes après, le cadavre du matelot rebelle retombait sur le pont, sans mouvement. Le docteur s'approcha de lui et s'assura qu'il était bien mort. Après, on lui attacha un boulet au cou, deux aux pieds, et on le jeta à la mer. « Maintenant, dit le capitaine Pamphile, en tirant son brûle-gueule éteint de sa bouche, allez me rallumer ma pipe tous ensemble, et qu'il n'y en ait qu'un qui me la rapporte. » Le matelot le plus proche du capitaine prit, avec les marques du plus profond respect, la vénérable relique que lui présentait son supérieur, et descendit l'échelle de l'entrepont, suivi de tout l'équipage, laissant le capitaine seul avec le docteur. Au bout d'un instant, Double Bouche parut, tenant le brûle-gueule rallumé. « Ah, c'est toi le brigand, » dit le capitaine. « Et que faisais-tu pendant que ces honnêtes gens se promenaient sur le pont en devisant de leurs affaires ? Réponds, petite canaille. » « Ma foi, dit Double Bouche, voyant à l'air du capitaine qu'il n'avait rien à craindre, je trempais mon pain dans le pot au feu pour voir si le potage serait bon, et mes doigts dans la casserole pour m'assurer que la sauce était bien salée. « Eh bien, drôle, prends le meilleur bouillon du pot au feu et le meilleur morceau de la casserole, et fais avec le reste de la soupe à mon chien. Quant aux matelots, ils mangeront du pain, et ils boiront de l'eau pendant 3 jours. Cela les assurera contre le scorbut. » « Allons dîner, docteur. » Et le capitaine descendit dans sa chambre, fit apporter un couvert pour son convive, et se remit à manger de la morue fraîche, comme si rien ne s'était passé entre le premier et le second service. En sortant de table, le capitaine remonta sur le pont, pour faire son inspection du soir. Tout était dans l'ordre le plus parfait. Le matelot de quart à son poste, le pilote à son gouvernail, et la vigie à son mât. Le brick marchait sous toutes ses voiles, et filait bravement ses 8 nœuds à l'heure, ayant à sa gauche le bord de terre neuve et à sa droite le golfe Saint-Laurent. Le vent soufflait ouest-nord-ouest et promettait de tenir. De sorte que le capitaine Pamphile, après un jour orageux, comptant sur une nuit tranquille, descendit dans sa cabine, ôta son habit, alluma sa pipe, et se mit à sa fenêtre, suivant des yeux tantôt la fumée du tabac, tantôt le sillage du vaisseau. Le capitaine Pamphile, comme on a pu en juger, avait plus d'originalité dans l'esprit que de poésie, et de pittoresque dans l'imagination. Cependant, en véritable marin qu'il était, il ne pouvait voir la lune brillante, au milieu d'une belle nuit, argenter les flots de l'océan sans se laisser aller à cette rêverie sympathique qu'éprouvent tous les hommes de mer pour l'élément sur lequel ils vivent. Il était donc penché ainsi depuis 2 heures à peu près, le corps à moitié sorti de sa fenêtre, n'entendant rien que le clapotement des vagues, ne voyant rien que la pointe de Saint-Jean, qui disparaissait à l'horizon comme une vapeur marine. Lorsqu'il se sentit saisir vigoureusement par le collet de sa chemise et par le fond de sa culotte, en même temps les deux mains qui se permettaient cette familiarité agirent, en opérant un mouvement de bascule, l'une pesant, l'autre levant, de sorte que les pieds du capitaine Pamphile quittant la terre se trouvèrent immédiatement plus élevés que sa tête. Le capitaine voulut appeler au secours, mais il n'en eut pas le temps. Au moment où il ouvrait la bouche, la personne qui faisait sur lui cette étrange expérience, ayant vu que le corps était arrivé au degré d'inclinaison qu'elle désirait lui donner, lâcha à la fois la culotte et le collet de l'habit, de sorte le capitaine Pamphile, obéissant malgré lui aux lois de l'équilibre et de la pesanteur, piqua une tête presque verticale et disparut dans le sillage de la Roxelane, qui continua sa route, gracieuse et rapide, sans se douter qu'elle fût veuve de son capitaine. Le lendemain, à 10 heures du matin, comme le capitaine Pamphile, contre son habitude, n'avait point encore fait sa tournée sur le pont, le docteur entra dans sa chambre et la trouva vide. À l'instant, le bruit se répandit dans l'équipage que le patron avait disparu. Le commandement du navire revenait de droit au lieutenant. On alla en conséquence tirer Policard de la cabine, où il gardait religieusement ses arrêts, et on le proclama capitaine. Le premier acte de pouvoir du nouveau chef fut de faire distribuer à chaque homme une portion de morue, deux rations d'eau-de-vie, et de remettre à Georges les 20 coups de bâton qui lui restaient à recevoir. 3 jours après l'événement que nous venons de rapporter, il n'était pas plus question du capitaine Pamphile à bord du brick La Roxelane que si ce digne marin n'avait jamais existé.